Manu. Oh oh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Bienvenue dans le cours de stretching. Alors, vous levez la... le pied gauche, le pied droit. Et c'est parti. C'est parti. I can sing something because this music is dirty. Mr. Nimbot, guest. Bon. I mute Mr. Manu. Tout nu. Lui il est français, lui, ça c'est sûr. C'est typiquement français. Pampan cul nu. Pampan cucu tout nu. Zizi poilu. tempo. C'est parti, Funky. Funky, c'est chier, Funky, c'est chier. Where don't my last written why? Dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig. Thank you. Thank you. Thank you.